Je tortille du cul dans un pays magique où les moineaux s'enfilent sur les cailloux. Ma crème épilatoire, mon rasoir électrique, je les ai virés dans une bouche d'égout. Les mouches, les abeilles me chatouillent la figue, tellement ma crevette est velue. Alors j'ai remonté mon string jusqu'aux aisselles et j'ai pu jouer de la harpe avec mon cul. Yalalalalalay, yalalalalalay, j'ai oublié de m'épiler. Les mèches rebelles qui pendouillent entre mes cuisses, c'est comme une grosse meule de foin qui déborde de ma biscotte. Ratisse-moi, ratisse-moi, j'ai besoin qu'on me défriche ce gros persil corallien qui frétille dans ma culotte. Chenouille la poupounia qui chenouille qui pue du cul. Trois petits gris-gris, me voici les jambes à l'air. Au soleil, c'est un régal d'exposer ma coquille comme une moule de rivière, en laissant virevolter mes poils. Mais quand j'ai ressenti un drôle de truc qui colle, j'ai tripoté pour constater que j'avais des limaces et des poux dans la pachole. En dessous de mon ventre, c'est l'arche de Noé. Yalalalalalay, yalalalalalay, j'ai oublié de m'échancrer. Les mèches rebelles qui pendouillent entre mes cuisses, c'est comme une grosse meule de foin qui déborde de ma biscotte. Ratisse-moi, ratisse-moi, j'ai besoin qu'on me défriche ce gros persil corallien qui frétille dans ma culotte. Chenouille la poupounia qui chenouille qui pue du cul. Yalalalalalay, yalalalalalay, j'ai mis de l'engrais dans ma pilosité. Yalalalalalalalay, une oasis s'est née, mais quand il pleut, c'est marécageux. Les mèches rebelles qui pendouillent entre mes cuisses, c'est comme une grosse meule de foin qui déborde de ma biscotte. Ratisse-moi, ratisse-moi, j'ai besoin qu'on me défriche ce gros persil corallien qui frétille dans ma culotte. Les mèches rebelles qui pendouillent entre mes cuisses, c'est comme une grosse meule de foin qui déborde de ma biscotte. Ratisse-moi, ratisse-moi, j'ai besoin qu'on me défriche ce gros persil corallien qui frétille dans ma culotte.